Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire d'Annie Laferrière nous raconte l'extraordinaire aventure de l'Académie française. Est-ce que je suis immortel? Ah bien, bien sûr. Ah bien, c'est, tout le monde le sait. Je ne mourrai pas. Si vous ne me croyez pas, attendez-vous voir. L'écrivain Annie Laferrière, le 28 mai 2015, le jour de sa réception comme immortel à l'Académie française. Annie Laferrière nous racontant l'histoire de l'Académie française. C'est le cadeau qu'on a décidé de se faire et de vous faire à l'occasion de cette 500e émission, déjà d'aujourd'hui, l'histoire. Je voudrais vous présenter un homme solide qui n'a pas peur de la mort, mais pleure à l'amour. Sa langue est plus proche de votre père que de vous. C'est une langue rugueuse qui fut autrefois celle des rois de France. Il s'appelle Gaston Miron. Vous êtes les deux faces de la même médaille Amérique. Vous êtes celui qui est parti, il est celui qui est resté. Voici son poème, Compagnon des Amériques. Québec, ma terre amère, ma terre amande, ma patrie d'haleine dans la touffe des vents, j'ai de toi la difficile et poignante présence. Avec une large blessure d'espace au front, dans une vivante agonie de roseau au visage, je parle avec les mots noués de nos endurances. Nous avons soif de toutes les eaux du monde, nous avons faim de toutes les terres du monde, dans la liberté criée des débris d'embâcle, nos feux de position s'allument vers le large. L'aïeul prière à nos doigts défaillantes, la pauvreté luisant comme des fers à nos chevilles. À nouveau, Annie Laferrière, le jour de sa réception à l'Académie française, le 28 mai 2015, Annie Laferrière a accepté de nous raconter aujourd'hui l'histoire de l'Académie française. Il est dans nos studios de Paris. Annie Laferrière, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission, Annie. C'était important pour vous d'entrer dans cette institution qu'est l'Académie française. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette institution-là, Annie Laferrière? Bon, je peux pas dire que j'y pensais toute ma vie, puisque je n'y avais pensé qu'un mois avant mon entrée et à l'Académie française, un mois et demi avant mon élection. Et je trouvais ça un peu trop placé pour mes prétentions, même si elles étaient assez vastes en termes de littérature. Parce que c'est quand même, dans ma tête, l'institution qui a hébergé Voltaire, qui a hébergé Hugo, Racine, et parmi les plus grands esprits et de la planète littéraire et francophone. Ouais. Donc un honneur, mais le poids, la responsabilité, noblesse oblige, on fait partie de cette grande institution. C'est ça. Oui, mais tout à fait. Du moment que vous êtes à l'Académie française, vous en faites partie, et comme si vous avez été élu d'une certaine manière en 1635. Et c'est une espèce de grand vaisseau spatial qui traverse le temps avec 40 membres, qui changent de nom au fur et à mesure que certains meurent, et pour avoir enfin un seul but, c'est de faire un dictionnaire qui garde d'une certaine manière, qui conserve les mots de la langue française, leur définition, leur propriété, leur caractère, leur musique, leur rythme. Et ça commence quand, Annie Laferrière, et dans quel contexte, cette histoire de l'Académie française? Oh, c'est un jeune écrivain, un jeune poète qui travaillait et à la cour, un certain Conrart qui réunissait des amis dans sa petite maison, et assez fortuné quand même, de manière, j'allais dire bénévole, mais très discrète. Et on a fini par savoir, Richelieu a compris qu'il fallait d'une certaine manière embrigader et cette équipe d'intellectuels, et cette nouvelle tribu qui surgissait dans l'espace français. Et on a donné des lettres patentes à l'Académie, et grâce au roi, à la grâce du roi, si l'on peut dire, en 1635. Mais c'est important. Donc, 1635, effectivement, c'est le début officiel, les lettres de patente du roi, la mission, déjà, entourant la langue qu'on confie à l'Académie. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est aussi, Dani, que Ça nous dit deux choses. Ça nous dit que c'est peut-être la première fois qu'une assemblée comme celle-là, des lettrés, ils sont quoi, 9, je pense, au tout début, autour de Valentin Conrart, qu'on reconnaît que cette assemblée de lettrés puisse avoir un rôle important dans le développement de la nation française. Puis ce rôle-là, c'est le deuxième élément. Mais je pense que Richelieu, au fond, qui est un habile politique, le cardinal Richelieu dit la langue parlée en France, elle est diverse à cette époque. Et si une académie s'occupe de ça, il y a comme un outil politique, un outil d'unité nationale. C'est un peu ça, au fond, l'idée de Richelieu, je pense. Oui, mais c'est une idée ambitieuse. C'est une idée quand même de grande politique, si l'on peut dire, d'unir une nation autour d'une langue, même si cela pourrait permettre au roi d'avoir une influence plus directe sur cette nation, mais cela pourrait provoquer quelquefois aussi, en 1789, une plus rapide contestation, une révolution même. Et il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est que je crois que c'est une des rares fois dans l'histoire du monde qu'on a donné autant de pouvoir à des écrivains. Oui. Les écrivains ne sont pas nés forcément de familles princières. Richelieu l'a bien dit, c'est uniquement le talent qui doit être en tête au moment de l'élection d'un académicien. Oui. Mais le pouvoir est vaste. Ils ont pouvoir même de contester la parole du roi quand il s'agit de la langue française. Le roi s'est déchargé, le roi n'est plus infaillible, il ne sait plus tout, et il a, parce que un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire si vous contestez le roi, peut aller jusqu'à la peine de mort. Mais un académicien a le droit, et même peut aussi se présenter devant le roi avec son épée. Il est le seul, avec les presses de sang, à paraître parce que, devant le roi avec l'épée, parce que l'épée, c'est la langue française elle-même. Oui. Et sa devise, c'est de l'immortalité de la langue française. Oui. Alors, en quelques mots, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais la mission, elle touche la langue. Vous avez parlé du dictionnaire, il y en aura un premier en 1694. Mais si on avait à résumer en quelques mots, dès le départ, la mission qui est confiée à l'Académie française, Denis Laferrière. Il fallait faire un dictionnaire et une grammaire, mais on a laissé tomber au fil du temps assez rapidement, et la grammaire, la charge semblait trop lourde. Et ce qui est intéressant dans la confection, si l'on peut dire, l'élaboration de ce dictionnaire, c'est que vous prendrez tout le temps qu'il vous faudra, a-t-on dit, et à l'Académie. Et on n'est pas allé trop vite non plus, on a allé... Et c'est comme si on essayait d'imiter la construction d'une cathédrale. La langue française étant vue comme une cathédrale, vous savez, les ouvriers qui travaillent dans une cathédrale pour construire une cathédrale, on ne regarde pas le temps, uniquement le travail bien fait. Ouais. Et c'est pour ça que tout le monde parle de la lenteur de l'Académie, mais en fait, il ne faut pas le voir comme n'importe quel dictionnaire dans le commerce. Il faut voir que c'est la cathédrale de la langue française. Ouais. Aucun académicien n'a vu deux éditions de sa vie. Donc, on fait quelque chose dont on ne verra pas l'édification, dont on ne verra pas la fin. C'est extraordinaire. Et y a-t-il un lien, Denis Laferrière, entre cette lenteur dont vous parlez et ce fameux qualificatif qu'on attribue aux académiciens d'immortel? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est, cette affaire d'immortalité? C'est tout simplement la devise de l'Académie française. C'est à l'immortalité de la langue française. Et c'était cela. Mais en se passant ce témoin qui est le dictionnaire d'académicien et à académicien, l'académicien devient lui-même un immortel, une certaine façon de parler, un peu comme l'autre a dit que le messager était le message. Ouais. Mais en fait, il s'agit de la langue française. C'est la langue française qui est immortelle, mais elle est comme incarnée dans chaque académicien, et d'où peut-être le fait que les académiciens vivent si longtemps, et qu'on parle aussi d'abus d'âge, et qu'on dit que l'Académie est remplie de vieillards. Mais ce qu'il faut pour y être admis, avoir construit une œuvre, et qu'ensuite on y est jusqu'à la mort. Ouais. Donc c'est normal qu'on soit un peu vieux vers la fin. Et il y en aura, parmi ceux qui seront admis en reconnaissance de cette œuvre qu'ils ont construite, il y aura de très, très grosses pointures, de très célèbres immortels. L'un d'entre eux, c'est Jean Cocteau. C'est un extrait qui va vous plaire, je pense bien, Denis Laferrière. Écoutez attentivement. Jean Cocteau, à la télévision française, au moment de son élection à l'Académie en 1955, il y a probablement quelque chose de Denis Laferrière dans ce qu'on va entendre. Jean Cocteau, vous avez passé votre vie et votre œuvre à être anticonformiste. Comment pouvez-vous être aujourd'hui de l'Académie française? Eh bien, parce que je suis anticonformiste au point d'être contre le conformisme anti-académique. C'est le plus répandu de tous, n'est-ce pas? Les gens m'ont toujours dit, vous ne devez pas être à l'académie, pourquoi allez-vous à l'académie, qu'est-ce que vous ferez à l'académie, c'est une vieille dame. Cela m'a donné extrêmement envie de m'y rendre. D'autant plus que l'esprit de création est la plus haute forme de l'esprit de contradiction. Vous savez que quand on crée, on contredit quelque chose, on s'oppose. On s'oppose forcément à une force pour en y substituer une autre. Eh bien, je ne sais pas si j'ai l'esprit de création, mais j'ai l'esprit de contradiction. Et plus on me disait de ne pas aller à l'académie, plus j'avais envie de m'y rendre. C'est la clé de Barbe Bleue. Je n'ai d'ailleurs pas trouvé des femmes mortes dans un placard. J'ai trouvé des hommes beaucoup plus jeunes qu'on ne me le disait, et charmants, accueillants et d'une politesse extrême. Voltaire explique que l'académie n'a pas été fondée sur l'intellect, que c'était un groupe amical. C'est vrai. Comme le groupe des six. Et je suis très heureux parce que c'est une... J'ai eu l'instinct de cette atmosphère amicale qui est restée à l'académie et on me l'avait présentée sous un autre jour. C'est formidable cet extrait, et ça pose toute la question de ce que ça signifie, de ce que ça représente de siéger à cette académie. On a presque l'impression, Danny Laferrière, en écoutant Jean Cocteau, qu'il parle d'un club social. C'est plus que ça, mais il y a quelque chose là-dedans de vrai, je pense. À quoi ressemble la vie à l'académie? C'est une compagnie. C'est-à-dire tout le monde n'est pas obligé d'être écrivain. Pour faire le dictionnaire, il faut quand même des talents et particuliers, distincts. Il faut, quand on a un prix Nobel de biologie, on a des ministres de la culture, on a un président de la République, on a un archevêque, et des scientifiques, et des romanciers, des poètes, des essayistes, et tout ça pour construire cette cathédrale dont j'ai parlé. Ouais. Cocteau a dit des choses extrêmement justes là, c'est-à-dire l'académie, beaucoup de gens vous en parlent, mais très peu y ont été. La situation est très simple, c'est qu'il n'y a que 19 personnes depuis l'origine de l'académie qui ont participé, une fois seulement d'ailleurs dans leur vie, à une séance de l'académie. Ce sont Pierre le Grand, Christine de Suède, Élisabeth Ière et d'autres. Je veux dire, c'est des chefs d'État et des rois uniquement. Donc personne ne peut dire ce qui s'y passe et vraiment, à part les académiciens, mais pourtant dans la rue, tout le monde a une idée. Et tout le monde. C'est amusant et c'est tout à fait juste aussi que les gens puissent avoir une idée pareille. Quand on passe devant le siège de l'académie, et bien, on voit une coupole, on voit presque une enceinte parce que c'est un palais. C'est-à-dire, ça a l'air fermé aux gens. C'est normal que les gens finissent par imaginer des choses qui se passent à l'intérieur. Mais en fait, c'est une amicale. Ouais. Il y a une particularité dans cette académie, c'est que, puis vous l'avez un peu évoqué, c'est que chaque nouveau membre hérite d'un fauteuil précis. Vous occupez le fauteuil numéro 2 de l'académie. Dans quelle mesure il y a ou non, Danny Laferrière, une filiation entre les détenteurs successifs d'un même fauteuil? On trouve la filiation généralement. Normalement, on cherche un peu pour qu'il y ait un lien entre celui qui vient de mourir et celui qui va entrer. Et ne serait-ce que pour avoir un discours qui se tient, et parce qu'il faut faire l'éloge de son prédécesseur. Ouais. Mais en réalité, il s'agit d'entrer à l'Académie française. Dès que vous faites partie, il n'y a plus de fauteuil, en fait, à ce moment-là. Vous êtes tout simplement un académicien. Mais naturellement, l'esprit humain est comme ça. Il aime bien construire, enfin, planter des arbres généalogiques. Mmh. Il aime bien chercher dans les feuilles, dans les branches. Et moi-même, j'ai trouvé que mon fauteuil numéro 2 était occupé souvent par des gens qui ont eu rapport avec l'Amérique. Ouais. Vous lui avez trouvé joliment, effectivement, dans votre discours, une filiation américaine à ce fameux fauteuil numéro 2. On avance un peu dans le temps. Danny Laferrière, le 6 mars 80, une date importante à l'Académie française, une première femme y fait son entrée. Il s'agit de Marguerite Yourcenar. À 76 ans, Marguerite Yourcenar est une femme de lettres incontestée. Ses œuvres sont traduites dans toutes les langues. Sa gloire n'est plus à faire. Mais de sa retraite américaine, l'auteur des Mémoires d'Adrien a accepté qu'on propose sa candidature comme première femme membre de l'Académie française. Sous la coupole, la proposition a d'abord soulevé une tempête. Madame les temps changent toutefois, et c'est avec dignité que ceux qu'on appelle les immortels, pro et anti-Yourcenar, ont annoncé l'élection par une faible majorité de la première académicienne. Par conséquent, Madame Yourcenar succédera à Roger Caillois. Certains membres, comme Jean Guiton, n'ont pas pu s'empêcher de dire ce qu'ils en pensent. C'est quelque chose, à mes yeux, pour l'équilibre de l'Académie. C'est pour ça que je n'étais pas tellement partisan de son élection, non pas à cause d'elle, mais je pense qu'une femme à l'Académie, c'est comme si on mettait une colombe parmi des lapins. Enfin. Une compagnie où il y a 40 personnes qui, pendant 3 siècles, ont eu un seul sexe, et puis vous introduisez dans cette compagnie un être absolument nouveau, comme si c'était un séraphin, un ange. Comment voulez-vous que ça ne change pas l'atmosphère? Peut-être que ça changera en bien, n'est-ce pas? Ah oui. Mais ça changera l'atmosphère. Un seul être nous vient et tout est surpeuplé. Il ne faut pas trop s'étonner de cette réaction. Après tout, c'est une tradition de 3 siècles et demi que vient de bousculer Marguerite Yourcenar. Ici Madeleine Poulain, à Paris. Sur la présence des femmes à l'Académie française, Dany Laferrière, pourquoi tant de résistance si longtemps? Oh, vous savez, c'est comme ça, il l'a dit, et ils ont eu peur de voir quelqu'un de différent. Et ce qui est terrible, c'est que pour ne pas recevoir des femmes, ils les ont placées sur un piédestal. Il n'y a rien de pire, hein. Vous refusez d'entrer avec un tel argument. Mais en fait, c'est un peu toute la société masculine du monde, hein, qui s'est emparée du pouvoir et a voulu le garder. Et il a fallu que les femmes les cassent un à un. Ouais. Tout, et aujourd'hui, une à une, toutes ces forteresses. Les femmes à l'Académie. Ça va lentement encore. Et on va avoir des élections cette année. J'espère qu'il y aura des femmes. Mais il faut aussi que ces femmes-là soient candidates aussi. Et j'étais pas trop d'accord avec le reportage de Madeleine Poulain, parce que Marguerite Yourcenar, comme tout le monde, a fait sa demande pour entrer à l'Académie française. Ouais. On n'a pas fait de demande pour elle. Bien sûr, tout cela a été piloté, disons, par Jean d'Ormesson, et qui voulait absolument qu'elle entre à l'Académie française, parce que d'abord, c'est une grande romancière aussi. Ouais. Mais il ne me semble pas qu'elle soit supérieure à Voltaire, à Montesquieu. Ouais. Et qui ont fait leur demande. Ouais. Donc on fait sa demande et puis on est élu ou pas. Mais il faudra quand même qu'il y ait plus de femmes à l'Académie française. Ouais. Ça, tout le monde, on est d'accord tous là-dessus à l'Académie. Donc ça va lentement, mais ça vient sûrement, la présence de femmes à l'Académie, moins de résistance qu'il n'y en avait. Cela dit, sur la féminisation de certains mots, il y a encore certaines résistances à l'Académie. Un exemple qui nous ramène à 1998, c'est pas si loin de nous. À l'époque, le premier ministre français Lionel Jospin utilise l'article « là » pour présenter ses ministres femmes, et ça soulève toute une controverse à l'Académie, comme le rapportait à l'époque Céline Galipeau. Sous la coupole de l'Académie, aux droits des femmes, on rétorque « grand-mère ». Ministre étant un nom masculin, « la ministre » serait une hérésie. Nous n'avons pas de neutre, donc il y a des cas de métiers, de genre, d'espèce animale, où c'est le masculin qui représente l'ensemble de l'espèce. Dans leur lettre au président français, les académiciens offensés ne s'arrêtent d'ailleurs pas là. Ils regrettent que, cédant à des influences démagogiques, certains de nos amis québécois incitent à écrire une auteure, une professeure, une écrivaine. C'est un combat d'arrière-garde. Au contraire, s'insurge cette linguiste, la langue doit évoluer, tout comme la société. Si vous avez choisi de donner la parité aux femmes dans les professions, quelles qu'elles soient, c'est bien d'avoir bousculé la grammaire. Car effectivement, vous avez bousculé la grammaire en disant une ingénieure, une professeure. Bien des Français, pourtant, ne sont pas d'accord. J'aimais mieux Madame le ministre, parce que c'était la fonction, vous voyez. Je ne suis pas une folle féministe, hein. Ça me paraît franchement ridicule. Je ne vois pas en quoi le fait de dire Madame le ministre enlève à la fonction. Mais d'autres c'est n'y voient pas d'inconvénient. Ça m'est absolument indifférent. L'Académie, c'est tout à fait, disons, crispé sur les traditions. Où en est donc l'Académie française, Dany Laferrière, sur cette question de féminisation? Et vous, Dany, qu'est-ce que vous leur dites à vos collègues académiciens, vous qui connaissez si bien, si intimement le Québec et ses écrivaines, Dany? Pourquoi donc cette résistance à la féminisation? Ce qu'il faut voir d'abord dans ce débat, c'est que ce n'est pas le débat de l'Académie française. Parce que l'Académie française est chargée aussi d'écouter, de voir, c'est-à-dire de sanctionner, de faire entrer l'usage. Ouais. Et si la société française ou francophone, si le Québec était majoritaire dans la culture francophone, on serait déjà à la féminisation complète. Ouais. Et il se trouve que la société française qui a fait mai 68 et n'est pas encore assez dynamique pour féminiser. Mais on y vient, je pense que c'est un des derniers forts qu'on va laisser tomber. Ouais. Et ça ne peut pas durer. Et parce que ce n'est jamais pour la personne qui est vivante qu'on fait cela, c'est pour les générations qui arrivent. Ouais. Les femmes sont massivement dans tous les métiers et dans toutes les fonctions. Il faudra bien que la grammaire en rende compte. Ouais. Le temps file rapidement, mais je veux quand même qu'on parle, parce que vous faites partie de cette histoire dans l'histoire de l'Académie française, des écrivains de la francophonie. Il y a eu des grands noms, Léopold Senghor qui venait de cette francophonie, qui a été lui élu à l'Académie en 83. Elle en est où cette Académie française par rapport à cette francophonie qui n'est pas française? Oui, moi, vous savez, je conteste souvent le mot francophonie. Je pense que je suis écrivain, et tout simplement, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des livres. Maintenant, le lieu, mon lieu de naissance, et aussi ma tribu, si l'on peut dire, peut être de la francophonie. Parce qu'il ne faut pas que les gens entrent à l'Académie française en étant écrivains francophones. Sinon, ils vont faire une niche particulière et on va être regardé comme quelqu'un qui est rentré là à cause du quota. Il faut rentrer comme écrivain. Ouais. Écrivain ne veut pas dire écrivain français de la France, mais écrivain de langue française, et tout simplement. Ouais. Et bien sûr aussi, c'est un autre combat. Et ça a commencé lourdement même. Et Amine Malouf est rentré rapidement, Makine est rentré, je suis rentré. Jusqu'à présent, secrétaire perpétuel de l'Académie française, en attendant qu'elle devienne la secrétaire ouais. perpétuelle de l'Académie française un jour, est d'origine géorgienne. Et donc, je pense même que ça paraît plus dynamique pour, entre guillemets, la francophonie que même pour les femmes. Ouais. Donc on a deux combats excitants, faire rentrer le plus grand nombre de femmes possible. Il faudra bien qu'elles posent leur candidature. Je l'ai dit, on ne peut pas vous faire rentrer si vous ne voulez pas y être. Et puis aussi, que l'Académie devienne l'Académie de toutes les cultures, de toutes ouais. les sociétés, de, tout, ouais. De partout. Ouvrir les fenêtres, comme on dit. Dany Laferrière, écrivain, membre de l'Académie française, c'était un vrai bonheur de vous recevoir. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission, Dany. Merci. Merci à toute l'équipe. Vous venez d'écouter la 500e émission d'Aujourd'hui l'Histoire. Permettez-moi de vous remercier du fond du cœur d'être si nombreux à nous suivre. Merci à vous et longue vie à Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.